l'escargot traîne sa maison. La grenouille chante une chanson. Le corbeau sur son arbre est furieux et le lézard se sent tout frileux. Le veau se cache sous sa mère. Le lapin gagne sa tanière. Le chien aboie après les nuages. Le beau temps a fait ses bagages. Tiens, voilà la pluie. Les gouttes qui tombent chantent une mélodie. Tiens, voilà la pluie. Une joie m'inonde et tu me souris. La rose entrouvre son calice. Elle boit la pluie avec délice. Le bleu, elle se cache sous les blés qui poussent à l'abri des peupliers. Les nénuphars font une ronde. Les roseaux se mirent dans l'onde. Au bord de l'étang, un saule pleureur étale ses branches de bonheur. Tiens, voilà la pluie, les gouttes qui tombent chantent une mélodie. Tiens, voilà la pluie, une joie m'inonde et tu me souris. Tes cheveux sous la pluie ruissellent, tu n'as jamais été si belle. Prends ma main et cherchons un abri, nous en ferons notre paradis. Peu nous importe l'arc-en-ciel qui vient danser la saltarelle. Restons là tous les deux bien tapis, qu'on est bien dans notre paradis. Tiens, voilà la pluie, les gouttes qui tombent chantent une mélodie. Tiens, voilà la pluie, une joie m'inonde et tu me souris. La la la la la, les gouttes qui tombent chantent une mélodie. La la la la la, une joie m'inonde et tu me souris.